il n'y a pas un mot de référence à ses dirigeants dans l'Épître aux Romains. Pourquoi ? Ce qui importe, encore une fois, c'est l'œuvre. Ce ne sont pas les ouvriers. Corinthiens, l'église de Corinthe. Est-ce qu'il y avait des problèmes dans l'église de Corinthe ? Parlez-moi-en. Bon, c'est l'occasion unique, encore une fois, de leur tomber sur le dos à ces anciens et puis leur dire, vous ne faites pas votre travail, comme. Réveillez-vous quand même et prenez la chose en main. Pas un. Au lieu de ça, lorsque vous êtes assemblés ensemble, vous faites ceci et cela. Prenez des décisions parmi vous, entre vous. Galates, les églises en Galatie. Problème là-bas ? Ben oui. C'est l'Évangile lui-même qui est en cause, n'est-ce pas ? Avec les judaïsants qui sont venus à Galate pour troubler les chrétiens. Encore une fois, une occasion unique ici pour Paul d'en appeler aux anciens et de dire, mais enfin, c'est vous les dirigeants, c'est vous les patrons de l'Église. Intervenez ! Aucune mention de ces gens-là. Au lieu de ça, c'est Paul qui s'adresse directement aux Galates en leur disant « Insensés que vous êtes, revenez au bon chemin. » Éphésiens, l'église d'Éphèse. Plus tard, il y aura des problèmes immenses à Éphèse qui menaceront la survie même de l'église. Mais lorsque l'épître est écrite, ça va encore pas mal. Finalement, nous les trouvons, nos dirigeants, dans l'Épître aux Éphèses. Nous les trouvons. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 11 et 12. Un passage que beaucoup d'entre vous connaissent très bien. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, les enseignants. Les voilà, on a toute une liste là. Ils viennent en nombre, les responsables. Mais quel est leur rôle, leur job description? Quel est leur rôle? Quel est leur travail? Quelle est leur tâche qui leur est assigné. Verset 12. Pour la formation des saints, c'est-à-dire de l'assemblée, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Que dit-il ici ? L'attribution des leaders, ici, des responsables, c'est un renversement total de cette conception de l'Église, de la conception de pyramidale. En effet, l'équipe des leaders ne représente pas les exécuteurs du ministère, mais ceux qui contribuent à former, à encourager, à soutenir l'Assemblée. Et c'est l'Assemblée, elle, qui est responsable de l'édification du Christ, du ministère de l'Église. Et non pas les dirigeants. Les dirigeants octroient le soutien. Alors que le ministère, l'équipe, qui est en charge du ministère, c'est l'Assemblée. Vous voyez le renversement là qui est exécuté entre les structures de ce monde, où le gouvernement est de haut en bas. Ici, c'est dans le sens contraire. Ceux qui devraient être dans le haut sont au-dessous. Et ce qu'ils pourvoient à l'Assemblée, c'est les capacités d'accomplir le ministère. C'est pour ça qu'on peut parler de sacerdoce universel. On en parle, hein? Et puis on fait le contraire. On adopte ces manières de structurer le gouvernement de nos églises. Et ce faisant, nous détruisons la communauté, bien sûr. Je parle ici de responsable parce que je veux dire un secret. Parce que la manière dont se comportent les responsables va influencer la vie de l'Église. Si les responsables ne peuvent pas agir en tant que servants à l'Assemblée, les membres de l'Assemblée ne vont pas savoir ce que cela veut dire d'être serviteurs les uns des autres. Pour vous donner un exemple vivant de ce dont nous parlons, je voudrais vous mener à faire une petite étude, là, ça va me prendre 5 minutes, une petite étude sur le concept de tête, sur l'idée de tête dans le Nouveau Testament, là où il nous est dit que Christ est la tête de l'Église. Ce que je viens de dire là tout de suite, eh bien, regardez, page 10, c'est la dernière phrase, au page 10. Le sens du Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, du concept de tête. Ah oui, oui, attendez voir, j'essaie si je peux retrouver. On disait que si les dirigeants, les responsables de l'Église ne peuvent pas agir envers l'Église en tant que serviteurs, donc les membres de l'Assemblée ne pourront pas se comporter les uns envers les autres en tant que serviteurs. L'exemple vient de haut, comme serviteur. Encore une de mes phrases radicales qui a eu du mal à être enregistrée. Bon, comme exemple, je vais vous donner l'exemple du Christ. Le Christ, il nous est dit, est la tête de l'Église. D'accord ? Vous vous souvenez de cette phrase, non ? Bon, elle apparaît 5-6 fois. Alors, ça, nous le croyons, et je le crois, bien sûr, mais quel est le sens de ce mot « tête » dans le Nouveau Testament ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Quelle est la définition de la relation du Christ avec l'Église en tant que tête ? Vous voyez c'est compréhensible ? Bon. Alors, je veux vous mener à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, où il est question de la seigneurie du Christ, de la dominance du Christ, essentiellement, où il a tout sous ses pieds, verset 22, et où Dieu, le Père, l'a donné le Christ pour tête à l'Église. Je ne sais pas ce que disent vos versions, peut-être chef ou... C'est le sens de l'ancien mot chef en français qui voulait dire tête aussi. Le chef d'une personne, c'était la tête d'une personne. Mais le chef, maintenant, ça veut dire le grand patron. Hein? Bon. Mais ici, le mot est « tête », en grec « képhalé ». Mais ensuite, il nous est expliqué qu'en tant que tête, qu'est-ce qu'il fait ? L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. il donne la plénitude à l'Église. C'est-à-dire, il donne la croissance et la maturité à l'Église, qui est un rôle de serviteur, de pourvoyeur. Il donne. Bien qu'il soit Seigneur, et entre autres Seigneur de l'Église, lorsqu'il s'agit d'être la tête de l'Église, c'est un rôle de serviteur ici. Bon, chapitre 4, au verset 16, 15 et 16, il faut que nous croissions à tous écarts en celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie dans la charité. Encore une fois, quel est le rôle du Christ en tant que tête de l'Église ici? C'est un rôle de serviteur, c'est lui qui donne ce qui apporte la croissance et la cohésion du corps. Ce n'est pas un rôle d'autorité, de seigneurie, c'est un rôle de bas en haut. C'est lui qui donne la nourriture qui permet la croissance. Verset, chapitre 5, verset 23, encore une autre référence, c'est les seuls d'ailleurs, il y a dans l'Épître aux Éphésiens. Le mari est la tête de la femme, comme Christ est la tête de l'Église, qui est son cœur, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Être sauveur, est-ce un rôle de serviteur ou un rôle d'autorité ? Serviteur, vous voyez, encore une fois, la relation du Christ avec l'Église en tant que tête est d'être son serviteur, non pas son maître, quoi qu'il le soit, mais quand il s'agit de tête, il s'agit d'autre chose. Colossiens, il y a deux références dans Colossiens, et c'est tout. Et après, vous venez avec vos questions, je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Colossiens. Oui, verset, chapitre 1, verset 18. Encore une fois, il s'agit de la suprématie du Christ, mais lorsqu'il est la tête du corps, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Encore une fois, c'est lui qui est la source de l'existence de l'Église. En tant que tête, c'est lui qui donne la vie initiale qui permet à l'Église d'exister. Et enfin, au chapitre 2, encore une fois, verset 19, il s'agit de la tête, bien que ça soit traduit autrement dans vos versions. Il lui dit, sans s'attacher à la tête, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures, des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Encore une fois, ici, la tête donne l'accroissement au corps. C'est un rôle de serviteur. Alors, j'ai fait cette petite étude à travers Éphésiens et Colossiens pour, dans le but unique de parler à vous qui êtes des responsables dans les églises, à des titres divers. Et voilà la conclusion que je voulais tirer. Si Christ, qui est la tête de l'Église, agit envers l'Église comme son serviteur, à combien plus forte raison nous qui sommes seulement des responsables humains devraient agir en tant que serviteurs envers nos assemblées, plutôt qu'en tant que maîtres. Bon, qui prend la parole? Ne me dites pas que vous n'avez pas des commentaires, des protestations, des manifestations à présenter. J'ai une question. Oui. Vous avez parlé de le royaume de Dieu comme les enfants. Et les enfants sont en bas de l'échelle dans l'hiérarchie. Qu'est-ce que vous avez à dire sur la place des enfants, donc, dans la communauté? Dans la communauté? Oui. Parce que souvent, on ne les voit pas, à tout coup. Oui. Bien sûr, les enfants sont des quantités négligeables. Ils sont les personnes importantes dans la communauté. Ce sont les chefs, les dirigeants. Hein? Et puis ensuite, bien sûr, l'assemblée. Mais Jésus, justement, appréciait le fait que les enfants n'aspirent pas à monter sur cette échelle, à escalader les degrés, à grimper sur les épaules de ceux qu'on veut rabaisser pour pouvoir s'élever soi-même. Et je crois que c'est ce qu'il appréciait, les enfants sont plus ou moins satisfaits d'être enfants. Et puis après, ils deviennent comme nous, parce que nous les faisons comme nous. La place des enfants, donc, Jésus avait un amour très spécial pour les enfants, et je suis sûr qu'une grande partie de cela, il voyait en eux l'avenir du royaume, la deuxième génération de ceux qui ont pris la relève après les disciples. Dans un sens, moi je crois que la manière dont une assemblée traite les petits, les marginaux, les handicapés, les pauvres, les ombres grises, ceux qui passent inaperçus, la manière dont une assemblée traite ces laissés pour compte, donne une estimation de la manière dont l'Assemblée suit le Christ. Parce que lui, il était toujours du côté des plus faibles. C'est ça l'essence de la vie en tant que serviteur. Dieu, qui est tout puissant, viens à notre secours, nous qui sommes dans notre boue, dans notre crotte, pour ainsi dire. Il vient parmi nous pour nous en délivrer. Et c'est ça le sens de la vie pour nous, chrétiens établis. C'est que nous devons faire envers les plus faibles ce que Dieu fait envers nous, c'est-à-dire aller vers eux pour les servir. Quelles devraient être les répercussions de cette approche, de cette compréhension du message de Jésus sur les relations entre dénominations, entre églises? Est-ce qu'il y a un impact qui devrait se faire sentir à ce niveau-là? Absolument. Je crois qu'il y a deux considérations là. La première, c'est est-ce que ce sens de communauté doit être limité à mon petit groupe, à moi, à ma clique? Ou bien est-ce que je dois reconnaître la validité de la communauté dans un autre groupe de chrétiens où le Seigneur veut agir de la même manière? Est-ce qu'il y a là un besoin de se reconnaître, sinon de s'identifier les uns avec les autres, dans la solidarité, dans la mutualité. Il y a ça d'abord. Ensuite, est-ce que je ne suis pas appelé en tant qu'église locale à être serviteur à d'autres églises locales qui peut-être auraient besoin de mes apports, de la petite lumière que le Seigneur m'a donnée qui est particulière à mon assemblée? Il nous est dit que Jésus, en versant son sang sur cette croix, a brisé, a fait s'écrouler les murs d'inimité qui existaient entre nous. Entre différentes ethnicités, groupes raciaux, séparation mâle-femelle, etc. Mais à combien plus forte raison il ne devrait pas exister des murs entre des communautés de chrétiens, des murs de comparaison, de compétition, c'est ça que je veux dire, oui. Je voulais dire rivalité, mais compétition, c'est beaucoup mieux. Donc absolument, je crois que s'il y a, on ne peut pas se permettre dans l'état dans lequel le monde est aujourd'hui, d'être fidèle à son petit clocher en croyant que d'être fidèle à son petit clocher, ça veut dire d'être contre les autres. Le besoin est tellement, tellement grand autour de nous qu'il y a une unité pour établir, il y a un tel besoin pour établir des liens fraternels entre nous, pour faire front commun. Et je crois que le Seigneur va nous tenir redevables de la manière dont nous nous comportons les uns envers les autres en tant que chrétiens. Ce n'est pas seulement une question de salut individuel, c'est une question ultimement, qu'est-ce qu'on fait avec ce salut pour se rapprocher les uns les autres dans le royaume de Dieu et pour le faire avancer. Une question qu'on vous a probablement déjà posée, mais quand je regarde le mode de fonctionnement de l'Église et les structures organisationnelles non hiérarchiques, je suis avec vous dans le livre des Actes et dans Galates et Corinthes et Rome. Lorsque j'arrive aux épîtres dites pastorales, je perds un peu mes points de repère sur comment lit-on ce qui a été dans l'histoire de l'Église interprété comme étant le point central de l'autorité unique, concentrée en un individu que Paul exhorte allègrement à reprendre tous, à exhorter. Je t'ai même laissé à Éphèse pour ça. Etc. Comment est-ce qu'on... Parce que vous dites oui, souvent qu'il ne semble pas indiquer... Merci pour cette intervention. Très évidemment, il y a un point de tension dans le Nouveau Testament entre les autres documents du Nouveau Testament sur ce point et les épîtres pastorales. D'ailleurs, nous allons dramatiser cette tension cet après-midi dans la première séance de l'après-midi. Donc, si vous le permettez, je vais réserver la réponse à votre question jusqu'après, si vous voulez la poser après la troisième leçon, peut-être ce sera un peu plus approprié. Oui, ma question, c'est par rapport à cette horizontalité et les processus décisionnels. L'horizontalité implique, à mon esprit, là, qu'il faut attendre l'unanimité de tout le monde. Est-ce que vous pouvez faire quelques commentaires par rapport à comment on peut réconcilier la notion de service aux autres quand on n'est pas capable d'avoir l'unanimité pour aller de l'avant? Je crois qu'il ne s'agit pas tellement d'unanimité autant que de s'assurer que l'Assemblée est d'une manière ou d'une autre impliquée dans les décisions qui sont prises et qui l'intéressent, plutôt que les décisions soient faites du haut en bas et qu'elles soient imposées à l'Assemblée. Maintenant, je sais que certains d'entre vous sont dans des églises qui ont des constitutions qui sont établies sur un ordre hiérarchique. Donc, l'Église est par nature hiérarchisée. Ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas tellement une question de ce qui est dans les livres, dans les lois, autant qu'une attitude du cœur qui cherche à valoriser la présence du Saint-Esprit dans les autres et à utiliser cette présence comme une ressource plutôt que de la rejeter. Donc, nous parlons ici plutôt de comportement que de législation. Vous avez parlé de l'importance de la relation horizontale, la perspective de la relation horizontale, pour des raisons X, Y, Z, qu'on pourrait dire. Il y a toutes sortes de raisons que les gens peuvent avoir une crainte de s'engager dans une relation horizontale. Des fois, même, c'est une mauvaise expérience qui va forcer les gens à se reculer, à s'enfermer dans une forme d'isolement. Ça devrait être quoi, notre attitude? Dans le monde idéal, on va parler de la relation horizontale qu'on devrait viser pour développer notre bonne santé spirituelle et morale et, en tant qu'être humain. Mais quand on côtoie des gens qui ont été brisés, qui ont été choqués ou quoi que ce soit, qui se referment sur eux-mêmes puis ils ont peur de s'engager dans une relation horizontale, ça devrait être quoi notre attitude face à ces gens-là dans ce temps-là? La patience, jusqu'où il faut être patient, combien de temps il faut attendre? On peut attendre quelques semaines, quelques mois. Mais des fois, la guérison peut venir, peut prendre des années. Mais l'isolement reste toujours, dans un certain sens, un genre d'indicateur qu'il y a une maladie, il y a un problème pour l'individu à passer au travers. Ça devrait être quoi notre attitude face à ces gens-là? Oui. Hélas, il y a, dans nos communautés, il y a des gens qui ont été repoussés par la communauté, qui ont été heurtés par la communauté, qui ont été blessés par la communauté et qui n'ont pas confiance dans la communauté, qui se tiennent à l'écart de la communauté. Vous avez une réponse à donner à cette question? Et quelqu'un pourrait nous apporter quelque chose? Vous voulez le dire? Venez. Bon, la contribution que nous a faite, c'est le mot amour, c'est-à-dire persister. Persister à incorporer ces personnes meurtries dans la communauté. Je prends 2 minutes peut-être, Patrice, pour vous dire une histoire. Une fois, je parlais sur la communauté comme ça dans une église dans le Kansas. Et puis à la fin, je parlais à des gens. Et je vois là-bas une femme qui, je crois, va défaillir, une femme 40 ans à peu près, et elle n'a pas l'air de se sentir bien du tout, et pourtant, elle s'approche puis elle recule. Je me demande ce qui se passe. Finalement, je termine ici, et je m'approche d'elle, et j'ai peur qu'elle va tomber. Je sens qu'il faut que je lui parle. Mais je lui demande de s'asseoir d'abord, et puis je lui demande, vous vouliez me parler? Elle fait oui de la tête. Et je lui demande, vous ne vous sentez pas bien? Elle fait non. Et je lui demande, est-ce que je peux aider? Il y a un problème. Elle me dit ça, I am shy. je suis timide. Et finalement, je me suis assis avec un espace entre nous deux et je suis arrivé à lui soustraire son histoire, c'est qu'elle était, depuis sa naissance, elle dit, je ne me souviens pas d'un moment dans ma vie où je n'ai pas peur des gens. J'ai dit, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Elle dit, ça fait 7-8 ans. Vous connaissez quelqu'un? Personne. J'avais été accueilli dans cette église par un couple qui avait mis à ma disposition une de leurs voitures, des gens très sympas. Et la femme, particulièrement, était particulièrement avenante. C'était une femme qui insistait à me donner des hugs. Ben, ça ne me dérange pas. Mais elle aimait s'extérioriser. Bon, alors, j'étais là, assis à côté, je me demandais, qu'est-ce que je vais faire? Tout d'un coup, le nom de cette femme, Lydia, est venu à ma mémoire. J'ai dit, ne bougez pas, restez là, je reviens. Je suis allé la voir, et j'ai trouvé. J'ai dit, viens ici, tu connais cette personne là-bas qui est assise là-bas? Oh oui, je la vois souvent. Tu sais comment elle s'appelle? Non. Alors, je lui ai vite expliqué quel était le besoin. Elle a dit, je comprends, laisse-moi m'en charger. Puis après, je suis retourné, parler au pasteur, etc. 10 minutes, un quart d'heure. Un quart d'heure plus tard, on sort de l'église. Et qu'est-ce que je vois? Là-bas à droite, dans le lobby de l'église, à l'entrée, il y a un groupe de gens qui sont comme ça, les bras sur les épaules les uns des autres, peut-être 8 ou 10 personnes, et qui sont en train de célébrer et de rire ensemble. Et au milieu de ce groupe, il y a Lydia et à côté d'elle, Patty, cette femme qui était si timide, qui n'avait jamais parlé à personne dans cette église. L'amour. Qui persiste, qui n'abandonne pas. Qui va vers ceux, justement, qui sont marginalisés et laissés pour compte. Merci. En fin de compte, c'est ça, Vassili. Encore une question, ou bien on finit. Allez-y. Vous avez parlé que la première expérience communautaire, c'est Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, puis que le couple a été créé à l'image de Dieu. J'aimerais que vous nous disiez, dans vos rêves les plus fous, quel rôle voyez-vous pour le couple puis la famille au sein de l'Église, mais aussi comme témoignage de l'amour de Dieu envers la société. Merci. Je suis convaincu que le modèle initial doit être posé par l'Église. Si la communauté inclusive ne peut pas vivre en tant que communauté, il y a peu de chances que les sous-communautés, c'est-à-dire les familles à l'intérieur de cette grande communauté, puissent elles-mêmes survivre en tant que communauté. Donc, la qualité communautaire de l'Église va déterminer vraiment la qualité de la vie familiale dans les églises. Lorsqu'il y a des discriminations, lorsqu'il y a des scissions, lorsqu'il y a des divisions, lorsqu'il n'y a pas intégration au niveau de la grande communauté, les familles en souffrent. Vous savez, quel était le but de l'établissement du couple initial sur Terre, dans le jardin? Vous vous souvenez? De se propager. Dieu aime la communauté. Et la communauté, elle n'était pas établie par Dieu dans le but de faire rester une communauté fermée, mais elle devait se répandre de par toute la terre. C'est ça l'idéal de Dieu. Et c'est cette communauté totale, au niveau des assemblées de croyants, qui devrait enrichir la vie de la famille. Et réfléchissez-y, parce que aujourd'hui, bien sûr, nous sommes tous très, très très au courant de ce qui se passe au niveau familial, même parmi les chrétiens. Les déchirures, le délabrement des familles, eh bien, elles ont souvent un piètre exemple à suivre dans les communautés auxquelles elles appartiennent.